solo. Oui, j'ai la rue dans les gènes. On est loin du jardin d'Éden. Y'a que des chiens et y'a que des chiennes. T'es que de la chair fraîche pour les hyènes. Faut que la colombe se fait du ball trap. Avant moi t'écoutais pas de la trappe. Au paquet la fumée du chanvre. Et je traverse le brouillard en novembre. Plus rien à battre, quatre roues motrices pour tous les abattre. J'apprends la notice, pierre philosophale. Il pleut des thunes comme si les étoiles tombaient une par une. Eh, si t'es mon rêve, je donne de la force. Tu dis que c'est fini, mais elle force. En feu des traits, je parle en morse. Je suis noir comme sur le drapeau corse. Gun salute, j'suis tellement isolé. Je n'ai que mon pistolet. Biche, tes larmes peuvent ruisseler. Y'a que pour ma marque, j'peux m'immoler. On est comme emprisonné, fumé et picolé. Des balles pour accessoires, juste une rafale pour dire au revoir. J'suis tellement isolé. Je n'ai que mon pistolet. J'pécou, la hache, j'vais les faire frissonner. On est comme emprisonné, fumé et picolé. Des balles comme accessoires, juste une rafale pour dire au revoir. L'enfer est belle. J'monte dans le SL comme si je montais sur la tour de Babel. Plein de kérosène dans les ailes. J'voulais faire ça sans témoin. Mais j'ai 7 milliards de voisins. Tu mets des coms sur le net. J'ai plus de voitures que tu n'as de baskets. Si je veux, j'l'achète. J'passe comme quand y'a un trou dans la raquette. J'arrive à voir derrière ce que tu penses. Comme quand y'a un trou dans ta tête. Même boycotté, je les ai pliés. J'suis l'attaquant et les deux ailiers. On m'a dit t'es foutu, t'es dans pain. Mais j'serai debout jusqu'au clap de fin. Gun salute, j'suis tellement isolé. Je n'ai que mon pistolet. Biche, tes larmes peuvent ruisseler. Y'a que pour ma marque, j'peux m'immoler. On est comme emprisonné, fumé et picolé. Des balles pour accessoires, juste une rafale pour dire au revoir. J'suis tellement isolé. Je n'ai que mon pistolet. J'pécou, la hache, j'vais les faire frissonner. On est comme emprisonné, fumé et picolé. Des balles comme accessoires, juste une rafale.